Que cet après-midi vous soit doux. Restez avec nous, on écoute Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du changement de régime à la prise d'otage. Qu'est-ce qui a fait aussi cette audience de Khomeini au-delà des mosquées? Avec le Shah, c'était notre peuple était un peuple méprisé. Et aucun peuple n'accepte pas d'être méprisé. Plein feu sur l'Iran. Le pays était en plein chaos. Et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre. Les États-Unis, qui avaient vendu des armes massivement au Shah pendant les années qui ont précédé la prise d'otages, ils avaient quand même pas réussi à comprendre qui étaient ces gens de l'opposition et à établir un réseau autre que celui du Shah. Quatrième épisode. Jour de fièvre. 1er février 1979, Téhéran. Arrivée de l'ayatollah Khomeini. Il descend à l'heure actuelle exactement de l'avion. Il vient de monter dans une Mercedes. Il est accompagné par un service d'ordre très important. Il y a dans l'aéroport seulement à peu près 1500 personnes. Et il y a des millions de personnes sur le parcours qu'il doit emprunter tout à l'heure. Dans ce mur de foule, la Range Rover de l'ayatollah Khomeini, jugée plus solide pour sa sécurité que la Mercedes bleue initialement prévue, cherchait à se frayer un chemin. Elle le faisait avec d'énormes difficultés en procédant par bonds successifs de 2 mètres. On n'avait pas prévu qu'il y aurait tant de monde à l'aéroport. On ne pouvait rien contrôler. Les gens couraient à notre rencontre. On était coupés des autres voitures de l'escorte. Il y en avait qui sautaient sur le toit de la voiture. Il n'y avait plus moyen d'avancer normalement. À l'intérieur de la voiture, on aurait dit qu'il faisait nuit. L'imam voulait sortir. Il a essayé d'ouvrir la porte. Moi, je ne savais plus quoi faire. C'est cette foule tout le long de l'aéroport au cimetière de Behesht e-Sahra où il va faire son premier discours qui est là, qui l'entoure, qui le suit. La voiture avance avec une extrême lenteur et il y a 6, 7, 8 millions de personnes. 4, 5 ou 6 millions d'Iraniens, mais que veut dire les chiffres? Épuisés par l'attente, enfiévrés par le retour du guide, ont offert à l'ayatollah la plus belle réception qu'il pouvait espérer et lui ont fait dire « C'est l'unité qui vous a permis de triompher ». 3 heures après avoir posé le pied sur le sol iranien, après 15 années d'exil, l'ayatollah Khomeini arrivait au cimetière des martyrs. Cette foule en délire, qui scandait des slogans ou des versets du Coran, venait battre les murs de l'immense nécropole de Behesht-e-Zahra où l'ayatollah allait prononcer son discours. C'est là, dans ce cimetière situé au sud de la capitale, que furent ensevelies les victimes des manifestations, dans ce carré des martyrs sur lequel l'ayatollah s'est incliné. L'ayatollah Khomeini, après s'en être pris à la dynastie Pahlavi qu'il a qualifiée d'illégale, a poursuivi en disant « J'ai enduré beaucoup de peine, j'ai vu beaucoup de mal, je ne sais comment remercier ce noble peuple qui a tout sacrifié pour sa révolution ». Sa voix s'est enflée, portée aux quatre coins du cimetière par les haut-parleurs. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Man bayad arz konam ke Mohammad Reza-e Pahlavi in kha'in khabeeth. Je dois dire que le Shah, cet infâme traître qui a pris la fuite, nous a mis en ruine. Il a dévasté notre pays, mais rendu prospère nos cimetières. Il a mis en péril notre économie. Ses prétendues réformes ont causé la désintégration du pays. Pendant toutes ces années, il a fait œuvre de régression culturelle et anéanti nos ressources humaines. Cet homme, son gouvernement, son parlement, tous sont hors la loi. Le fait de continuer à exercer ses fonctions est considéré comme un délit. Ils doivent être jugés et nous les jugerons. Moi, je giflerai le gouvernement actuel. Je désignerai un gouvernement. Je désignerai un gouvernement avec le soutien de ce peuple. Le passage de pouvoir a été fait à ce moment-là. À partir du moment, quelqu'un, Ahmed Salamatian, lance un message qui est écouté par toute une nation et qui dit que l'ancienne constitution, ce n'est plus la constitution actuelle, c'est l'ancienne constitution, et qui est abolie, et que je nomme un premier ministre. Et que, sur le champ, il n'est pas arrêté. 24 heures après, il n'est pas arrêté. Donc, il est l'autorité légitime. Ni orientale, ni occidentale, République islamique. Liberté, indépendance, République islamique. Ne pouvant quitter le cimetière en voiture, toutes les rues et avenues menant à Zahra étant maintenant bloquées, l'ayatollah a choisi l'hélicoptère pour regagner Téhéran. Mais l'appareil ne peut se poser tant la foule est dense. Le service d'ordre, composé de 50 000 bénévoles qui ont pris pour l'occasion le nom de policiers islamiques, est complètement débordé. Ils tentent d'écarter la foule, de faire baisser les têtes afin que les balles de l'hélicoptère ne blessent personne. Mais la tension est telle, l'excitation si intense, la ferveur si grande, qu'un rien suffirait à déclencher l'incident. Et personne ne le souhaite. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, il faut maintenant que l'hélicoptère se pose. Et à coups de fouet, les membres du service d'ordre font tous partie du comité Roménie, font la place à l'hélicoptère. Sentons seulement la morsure des fouets quand on est ainsi survolté, presque en état de grâce. Bousculé, soulevé, parfois poussé dans un sens et dans l'autre, l'ayatollah Roménie se rapproche de l'hélicoptère. Cette nuit, la première dans son pays depuis 15 ans, il la passera dans une maison amie dont personne ne connaît l'adresse par mesure de sécurité. Bernard Ourcade. L'arrivée de Roménie faisait très beau ce 2 février. Il y avait des millions de personnes dans la rue. Un enthousiasme indescriptible parce que c'était la fin du mystère. Mais c'était aussi, pour la première fois, le début du pouvoir islamiste. Pour la première fois, on m'a demandé, j'étais en train de prendre des photos et d'interviewer des gens avec un magnétophone dans les rues, on m'a demandé, vous avez une carte de presse? Vous avez l'autorisation de faire cela? Je lui ai dit non, je suis là, je suis un simple résident à Téhéran. Ce qui se passe est extraordinaire, je prends des photos, mais il faut une autorisation. C'était le début des comités révolutionnaires. Je ne les avais pas vus avant le 2 février. À partir du retour de Roménie, un nouveau pouvoir se met en place et ça se sent dans le détail. À présent, les révolutionnaires iraniens s'en prennent aux postes de police et aux bases militaires. Chaque fois qu'ils se rendent maîtres d'un lieu, ils saisissent les armes. Les combats vont durer 10 jours. Les chefs militaires finissent par se réunir. Amiral Kamal Habibollah. Tout le monde décrivait des situations catastrophiques. Le chef de l'armée de l'air avait dû s'échapper de son bureau par le toit en hélicoptère alors que sa base était attaquée. Les discussions durent toute la nuit. Amiral Kamal Habibollah. Le général Hatam a proposé que nous écrivions une déclaration selon laquelle l'armée s'engageait à rester neutre. On espérait que la neutralité aurait pour effet de calmer la situation pour éviter la guerre civile. L'un après l'autre, nous avons tous signé cette déclaration. Le lendemain matin, l'un des lieutenants de Roménie reçoit un appel. Moshem Sazegara, attaché de presse de Roménie. Quand il a raccroché, il nous a annoncé que c'était l'armée et qu'elle venait de lui dire qu'elle s'engageait à ne plus s'opposer au peuple. Ça voulait dire que la révolution était terminée. C'est tous félicités, on était heureux, on s'embrassait les uns les autres. Chapour Bakhtiar, Premier ministre. On cherche le bruit de la rue, les slogans insignifiants, répétés à tue-tête, abrutissants absolument. C'est ainsi qu'on veut nommer que nous avons la majorité. La majorité doit être réfléchie, silencieuse, calme, avoir le temps de décider sur le sort du pays. Que veut-on faire? Mener le gouvernement à accepter leurs conditions. Je vous dis encore une fois, jamais, jamais, jamais. La démocratie, oui. La terreur, jamais. Le journaliste Paul Balta rencontre le Premier ministre Chapour Bakhtiar. Il m'avait reçu le mercredi qui précédait l'insurrection. Je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, la révolution est dans la rue. Hein, me dit-il, oui, mais Khomeini les a bernés, il leur a fermé les yeux. Il faudrait que je dispose de 6 mois pour leur ouvrir les yeux et les choses changeront. J'hésite et je lui dis, monsieur le Premier ministre, êtes-vous sûr de pouvoir disposer de 6 semaines pour ne pas dire 6 jours? Et Bakhtiar devient livide et me dit, vous avez dit 6 jours? La situation est si grave? Je lui dis, oui, je vous ai dit 6 jours parce que je n'osais pas dire moins. Être un démocrate dans l'âme, qui avait toujours lutté pour la démocratie. Comment vous sentez-vous après les émeutes d'hier, les morts d'hier? Messieurs, si vous avez à parler, vous avez la liberté. Vous avez la liberté, profitez-en. Mais vous n'avez pas la liberté d'envoyer des grenades. La grenade envoyée, la rafale commence. Non, ne faites pas ça. Si vous envoyez tout de même la grenade, vous recevrez la balle. Ne faites pas ça. Le Premier ministre Chapour Bakhtiar finit par s'enfuir du pays. Histoire vivante, cette semaine, plein feu sur l'Iran. Aujourd'hui, jour de fièvre. Mehdi Bazargan est un vieil ami de Chapour Bakhtiar. Il a passé 6 ans dans les prisons du Shah. À son tour, il devient Premier ministre, nommé par Khomeini. Comment concilier la démocratie dans un tel encadrement théocratique? Mehdi Bazargan. Il n'y a pas d'antagonisme ni de différence profonde entre la doctrine et les ordres coraniques et une république progressiste ou même démocratique. De notre point de vue, il n'y a pas d'incompatibilité et même l'islam et le Coran sont c'est l'école la plus libérale et démocratique qui peut exister. Les États-Unis sont inquiets de la tournure que prennent les événements en Iran. Ils se sentent la prochaine cible. Ils savent que le soutien jusqu'à la dernière limite envers le Shah leur est reproché, qu'il sera le motif invoqué. Et leur ambassade est une cible de choix. Ils réduisent donc leur effectif de 2000 agents à moins d'une centaine. C'est alors que le Shah, qui ne peut désormais plus rentrer en Iran, demande à s'installer en Amérique. Bruce Langen, ambassadeur des États-Unis à Téhéran. Ma position était qu'il était trop tôt pour accueillir le chat. J'ai prévenu le président que cela risquait de provoquer une flambée de violence, de manifestations et autres menaces à l'encontre des États-Unis. Et le président Jimmy Carter se laisse convaincre. Jimmy Carter. Je savais qu'il ne fallait pas le laisser entrer aux États-Unis. Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter. Moi, j'étais d'avis de l'accueillir, parce qu'on l'avait toujours considéré comme un allié quand tout allait bien, et qu'il était de notre devoir de le traiter en ami, maintenant que les choses tournaient mal. Walter Mondale, vice-président des États-Unis sous Jimmy Carter. Le président a dit, j'ai une autre question à vous poser. Imaginons que nous décidons de l'accueillir et que les employés de notre ambassade en Iran sont pris en otage. Que conseilleriez-vous? Et là, silence de mort dans la salle. Et le président a dit, c'est bien ce que je pensais. Pendant ce temps, l'ayatollah Khomeini réalise son projet. Par voie de référendum, les Iraniens viennent de décider que leur pays sera désormais une république islamique. Le nouveau gouvernement exige du Shah qu'il rentre pour se soumettre à un procès. L'un après l'autre, les pays refusent l'asile au Shah d'Iran. Pendant des mois, le couple erre à travers le monde. Sa première visite est pour son ami, Anwar el-Sadat, au Caire. En effet, le président égyptien n'a pas oublié l'aide que lui a fournie l'Iran au lendemain de la guerre d'octobre 1973. Et le 22 janvier, c'est Hassan II qui reçoit les anciens souverains à Marrakech. L'accueil du roi du Maroc est plus que fraternel, mais des étudiants manifestent à Rabat et à Casablanca. Le 29 mars, c'est un nouveau départ pour Nassar dans l'archipel des Bahamas, que l'ex-Shah et l'impératrice Sarah quitteront deux mois plus tard pour une autre résidence de milliardaires à Cuernavaca, près de Mexico. Ils vivront là jusqu'au 22 octobre, dans une véritable forteresse protégée par l'armée et la DCA. Jimmy Carter. Un après-midi, je reçois un message disant que le Shah est atteint d'un cancer en phase terminale, qu'il demande l'autorisation de se rendre à New York pour se faire soigner. Le 2 décembre, l'ex-Shah est transféré à l'hôpital de la base militaire de Lakeland à San Antonio, au Texas. Les États-Unis informent par la bouche de leur ambassadeur le ministre iranien des Affaires étrangères, Ibrahim Yazdi. Bruce Langen, ambassadeur des États-Unis. Cela faisait des mois que Carter refusait le moindre geste en direction du Shah ou de sa famille. Je le savais bien. Ibrahim Yazdi. Il nous a demandé de bien vouloir assurer la sécurité de l'ambassade américaine et de ses employés, comme nous étions tenus de le faire par convention internationale. Bruce Langen. Je n'oublierai jamais sa réponse. Nous ferons de notre mieux. Il n'a pas dit « nous nous portons garant de votre sécurité », il a dit « nous ferons de notre mieux ». Ibrahim Yazdi. Je lui ai dit, vous jouez avec le feu, c'est clair. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. À ce moment, Ibrahim Yazdi est en route pour Alger à l'occasion de la fête de l'indépendance. De même que M. Brzezinski, conseiller en chef de Jimmy Carter. Bruce Langen, ambassadeur. J'ai insisté auprès du ministre Yazdi pour qu'il rencontre Brzezinski. Cela voulait dire que la question était portée à un niveau de décision supérieure. Alger, 1er novembre 1979. Après les cérémonies, les deux hommes se rencontrent dans la suite de M. Brzezinski. Je lui ai dit que, tout d'abord, nous n'avions aucune intention d'utiliser le Shah contre le nouveau régime. J'ai même insisté sur le fait que ce dernier était un homme malade. Ibrahim Yazdi. Nous avons demandé aux États-Unis qu'ils autorisent nos médecins à examiner le Shah pour avoir un rapport indépendant sur son état de santé. Zbigniew Brzezinski. Je ne voyais pas la nécessité d'une telle procédure, d'autant qu'elle aurait eu pour effet de mettre en doute l'honnêteté du gouvernement américain. Ibrahim Yazdi. Vous aurez beau déclarer que vous l'avez fait pour des raisons humanitaires, la nation iranienne ne l'acceptera jamais. On ne peut pas gober ça. Même si on essaie, le peuple ne voudra pas. Il ne se trompe pas. Un petit groupe d'étudiants occupe à présent le devant de la scène. Leurs actions n'ont cessé jusqu'à ce jour d'empoisonner les rapports entre l'Iran et l'Occident. Ibrahim Asgharzadeh, leader étudiant. J'étais convaincu que l'Amérique préparait quelque chose. Le leader étudiant organise une rencontre avec quatre camarades de l'université de Téhéran. Ibrahim Asgharzadeh. Je leur ai dit, si on arrive à contraindre les États-Unis à extrader le Shah, ce sera une grande victoire pour la révolution. Et je propose d'aller occuper l'ambassade pendant 2 ou 3 jours et de prendre le personnel américain en otage. 2 de mes collègues n'étaient pas d'accord. L'un d'entre eux est Mahmoud Ahmadinejad, Ibrahim Asgharzadeh. Ahmadinejad disait que cela risquait de renforcer l'Union soviétique et son ambassade en Iran. Pour lui, le principal danger dans les universités et dans la société tout entière, c'étaient les marxistes. Les religieux et les communistes se sont alliés pour les besoins de la révolution. Ahmadinejad, désormais, craint que ces derniers ne gagnent du terrain. Les 3 étudiants favorables à l'occupation de l'ambassade américaine décident de continuer sans lui et vont consulter un religieux proche de Khomeini, l'ayatollah Khoinira. Je les ai convaincus de mener à bien cette action, sans en parler à l'imam. Septante heures plus tard, des étudiants se rassemblent devant l'ambassade. Ibrahim Asgharzadeh, leader étudiant. On a fait croire à la police que c'était une autre manifestation et on s'est approché de l'ambassade. Puis j'ai donné l'ordre d'entrer en action. Le colonel Charles Scott, membre de l'ambassade, ancien otage. Au départ, on s'est dit, quelle tuile, cette manifestation va chambouler tout notre emploi du temps de la journée. C'est incroyable comme on ne s'inquiète jamais des bonnes choses au bon moment. Ensuite, tout s'est passé très vite. Des hordes d'étudiants commencent à escalader les murs. L'ambassadeur est prévenu alors qu'il sort précisément d'un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères, Bruce Langen. J'ai dû faire demi-tour à toute vitesse et retourner auprès du ministre parce que c'est à lui qu'il fallait que je demande de l'aide. Ibrahim Yazdi. J'ai dit à M. Langen, je vous avais prévenu de ce qui se passerait si vous laissez entrer le Shah. Je vous ai dit, vous jouez avec le feu. Bruce Langen. Je lui ai répondu, je sais bien, mais là, j'ai besoin de votre aide. Seul Khomeini peut régler cette affaire, mais il se trouve à ce moment-là dans la ville de Rome et en pleine sieste. J'y suis allé en hélicoptère, de façon à être sûr d'arriver avant son réveil. À présent, des centaines d'étudiants ont pénétré dans l'ambassade. Les Marines, en sous-effectif, ne tirent pas. Bruce Langen. Ils sont entrés en force vers 10 heures ce matin et ont pris tout le personnel de l'ambassade en otage. Les Américains sont groupés dans une pièce, les mains liées et les yeux bandés. Voici ce que nous déclarait il y a de cela quelques instants par téléphone notre confrère Barzani à Téhéran. Ils ont déclaré que tant que le gouvernement américain n'extradera pas le Shah en Iran, ils conserveront les membres du staff des États-Unis en otage. Cette femme américaine, dont l'interrogatoire a été enregistré sur une cassette qu'on nous a fait écouter, répond aux questions sur un ton posé, presque serein. My job in the embassy is in the political section. I'm a foreign service officer with the State Department. Yeah, yeah. j'appartiens à la section politique de l'ambassade, dit cet otage. Je suis arrivé ici il y a 2 mois et demi, envoyé par le département d'État pour voir comment évoluait votre révolution. Question de l'interrogateur. Devant le tribunal des étudiants, pouvez-vous vous étendre sur vos activités? Réponse, no comment, pas de commentaire. Tous les otages se sont apparemment prêtés avec plus ou moins de bonne volonté à l'obligation de l'interrogatoire, tous sauf un homme d'une 40aine d'années qui refuse depuis 3 jours de décliner son identité et de répondre aux questions. C'est probablement pour l'impressionner et lui délier la langue qu'on l'a conduit ce matin jusqu'aux grilles de l'ambassade. Le visage livide, les yeux bandés, les mains liées sur le ventre, il a écouté les cris hostiles de la foule massée à l'extérieur. Bernard Ourcade, chercheur français en poste à Téhéran depuis les premiers jours de la révolution en Iran. Beaucoup d'amis des diverses ambassades françaises, allemandes ou autres étaient évidemment très impressionnés par le fait de voir leurs collègues américains traités de la sorte. D'autant plus que si on ne s'attendait pas à une telle escalade, une telle deuxième révolution, les choses se calmaient un petit peu en Iran. Le gouvernement Bazargan prenait le pouvoir, mais les tensions internes à l'intérieur du gouvernement de la République islamique étaient de plus en plus vives. Il y avait une première alerte juste après la révolution, où les groupes d'extrême gauche, les Fedaïnes entre autres, avaient pris l'ambassade, et le gouvernement récemment en place, depuis 2-3 jours, le gouvernement islamique de Bazargan, avait négocié pour que cette lutte contre l'impérialisme soit résolue dans les termes diplomatiques. Et donc les Américains s'attendaient à la phase anti-impérialiste de la révolution islamique. Et les choses ont éclaté quand le Shah est arrivé aux États-Unis et surtout quand le gouvernement de Bazargan rencontrait les officiels iraniens à Alger pour essayer de voir comment les États-Unis pourraient vivre avec la nouvelle révolution islamique qui s'était mise en place, pour essayer d'éviter qu'il y ait une lutte contre l'impérialisme américain qui est un des slogans de la révolution. Cette phase a commencé avec la prise d'otages. L'ordre de la prise d'otages n'est donc pas donné par Khomeini. Qui est vraiment à l'origine de ce plan? Qui donne l'ordre? Bernard Ourcade. Ordre des révolutionnaires islamiques qui avaient décidé de passer une deuxième phase de la révolution et voulaient éviter que la révolution islamique nationaliste, anti-américaine, indépendantiste ne soit engluée dans une démocratie chrétienne ou une démocratie islamique un peu soft à la Bazargan, que cette république-là n'apparaisse pas et qu'il fallait passer une deuxième étape. Et dans un certain nombre de militants qui n'étaient plus la gauche laïque, révolutionnaire, marxiste, mais la nouvelle gauche islamique qui est aujourd'hui au pouvoir en Iran, entre autres, ces gens-là ont décidé de passer à l'action et de forcer la main de Khomeini. Notre épisode était intitulé « Jour de fièvre », une réalisation de David Golan. Demain, nous avons rendez-vous avec le réalisateur du prochain documentaire d'Histoire vivante, à voir dimanche soir sur RTS2. Demain, entretien avec Daniel Vuiss. Demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Dès 1872, date du célèbre arbitrage de l'Alabama, la Suisse s'est vue confier des mandats diplomatiques pour aplanir des conflits internationaux ou représenter des intérêts étrangers. De l'âge d'or d'avant-guerre à aujourd'hui, elle n'a cessé d'être sollicitée. Ces bons offices qui font l'histoire, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.